Donc hier, on a vu certains mérites de la prière du Fajr. Et parmi ces mérites-là, on a vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré par l'heure de cette prière. Et cela sous-entend forcément le mérite de cette prière. Et on a vu aussi que parmi les bienfaits de cette prière, que c'est une prière qui est assistée. Elle est assistée par qui, Rayad? La prière du Fajr. Par les anges. On a qu'un soual. Man istahbara anna al-malaika tatanazzalu wa tahdur mithlu hadhihi al-jama'a qabla salah. Et là, je pose une question à tout un chacun parmi vous. Qui a eu à l'esprit, avant de penser, avant de faire la, d'accomplir la prière du Fajr, qu'il y avait avec lui les malaïques, que les anges sont descendus dans cette mosquée pour assister à cette prière? Hein? Personne n'a pensé à ça? Personne n'a pensé à ça? Aïe, n'aime. فَالْعِلْمُ لِلْعَمَلِ الْعِلْمُ لِلْعَمَلِ فَهَذِهِ الْفَوَائِدْ نَذْكُرُهَا حَتَّى مَاذَا نَعْمَلُ بِهَا وَنَتَيَقَّنْ مِمَّا نَتَعَلَّمْ. Donc ce genre de فوائد qu'on comprend à travers la plupart des livres qu'on étudie, il est bon, et le but visé de cet apprentissage, c'est que on l'ait en l'esprit d'une manière permanente. Enfin, il est bon de se rappeler que lorsqu'on vient assister à la prière du Fajr, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Et que les malaïka sont bel et bien présents. Ainsi que dans quel autre salat il y a Ismaïl? Salat al-Asr. Non. Qui sont les deux grandes salats parmi les cinq. Alors, en termes d'importance, quelle est la plus grande des cinq prières? Ali? Al-Asr. Thumma? Thumma al-Fajr. Thumma? Al-Isha. Tamam? Non. قال المؤلف عليه رحمة الله وحفظه الله وشهود الملائكة إنما هو للجماعات في المساجد وهو اختيار الإمام البخاري فإنه بوب على الحديث الأول فقال باب فضل صلاة الفجر في جماعة. طيب le fait que les anges assistent à la prière du Fajr, selon l'avis de certains savants, cela est spécifique à la prière en groupe à la mosquée. C'est-à-dire celui qui ne prie pas en groupe, qui prie chez lui à l'heure du Fajr, les anges n'assistent pas à sa salat. Et lorsque le cheikh il évoque, il dit « Had akhtiyar al-imam al-Bukhari », ça indique qu'il y a un khilaf sur la mas'ala. Il y a divergence. Et ceci est l'avis de l'imam al-Bukhari. Comment on sait que c'est l'avis de l'imam al-Bukhari? Parce que dans son recueil authentique, il a titré en guise de chapitre « Bab Fadl Salat al-Fajr fi Jama'a » le bienfait d'accomplir la prière du Fajr en groupe. Et ensuite, il a évoqué les hadiths des anges qui assistent à la prière du Fajr. فالملائكة تشهد هذه الصلاة لفضلها وتشهد لمن حضرها عند الرب سبحانه وتعالى بأنه من أهل العبادة والصلاة. Donc les anges, ils assistent à cette prière-là, et ceci en vue du grand mérite de cette prière. Et ceci en vue du grand mérite de cette prière. Et ils attestent pour toute personne qui y a assisté, ils attestent auprès de qui ? Hein, ils attestent auprès de qui ? Auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils attestent pour toute personne qui y a assisté qu'elle fait bel et bien partie des gens de l'adoration, des dévots et des gens de la prière. ثم قال الشيخ فكيف يطيب للمسلم أن يكون غائبا متخلفا عن الصلاة في الجماعة كلما وقع السؤال عنه. Et comment pourrait s'apaiser l'être d'un musulman, comment pourrait s'apaiser l'âme d'un musulman en étant toujours absent durant la prière en groupe? Et à chaque fois qu'on pose la question sur lui, c'est-à-dire à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala questionne les anges, comment avez-vous trouvé un tel ? Eux de dire et de répondre qu'ils ne l'ont pas vu en tout cas dans la salat, que ce soit la salat du Fajr ou la salat du Asr. وما أبعد من هذا حاله من الفلاح وما أقربه من الشقاء. Et donc quelqu'un dont la situation est ainsi ne peut qu'être éloigné de toute réussite. Et en vérité, il est rapproché de tout malheur. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de ne pas ressembler, de ne pas être comme ceux qui ont oublié Allah. Comme ceux qui ont oublié Allah et Allah les a oubliés. Est-ce qu'on peut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala oublie, Cheikh Habib? Dans le sens, n'est pas oublié comme on oublie quelque chose, mais oublié de délaisser, quoi. Aïe, n'a pas d'importance. أي نعم لله يضركم الله نعم فالله سبحانه وتعالى il n'oublie pas mais en arabe on peut utiliser le mot nisyan pour deux sens, l'oubli c'est-à-dire quelque chose qui a disparu de notre mémoire, ça c'est formellement interdit de caractériser Allah Azza wa Jal par cela, et l'oubli qui a le sens de, comme a dit Cheikh Habib, de délaisser. Et ça, c'est le but visé dans le verset. Ça veut dire que quand eux, ils ont oublié Allah, Allah les a oubliés dans le sens, Allah les a délaissés. Allah les a délaissés. Et voilà les fasiqoun. Voilà les pervers. Naam. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَالْجَزَى مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Donc, ça c'est l'un des grands mérites de la salat du Fajr, le fait qu'elle est assistée par les anges. ثم قال صلاتها في جماعة يعدل قيام نصف الليل أو نصف الليلة. Et il faut savoir que le fait d'accomplir la prière du Fajr en groupe équivaut à, c'est-à-dire dans le mérite et dans la récompense, équivaut à avoir accompli la prière de la nuit durant la moitié de la nuit. Celui qui prie le Fajr en groupe, c'est comme s'il avait prié toute la moitié de la nuit. Comme a dit An Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة. وتأملوا كلمة جماعة. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. Celui qui a accompli la prière du Isha en groupe. Vous voyez là, le prophète, c'est un hadith rapporté par Muslim. Le prophète, il dit, celui qui a prié la prière du Isha en groupe, c'est-à-dire à la mosquée, tamam, en groupe, c'est comme s'il avait prié la moitié de la nuit. Et celui qui a prié la prière du Isha, du Fajr, c'est comme s'il avait prié toute la nuit. Tamam, c'est comme s'il avait prié toute la nuit. وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَلَّى اللَّيْلِ كُلُّهُ أي إِذَا صَلَّى الْفَجْرِ أَيْضًا كَمَّلَ النِّصْفِ الْآخَرِ فَحَصَلَ مِنَ الْأَجْرِ كَمَنْ قَامَ اللَّيْلَةِ وهذا واضح في رواية أحمد في المسند. Donc là, quand le prophète sallam il dit que celui qui a prié le Fajr, c'est comme s'il avait prié toute la nuit, ça ne veut pas dire que celui qui prie le Fajr, c'est comme s'il a prié toute la nuit Kamel. Non. C'est comme s'il a prié la moitié, l'autre moitié, l'autre moitié de la nuit, c'est-à-dire le Isha, c'est la première moitié. Et le Fajr, c'est la deuxième moitié. Tamam? Naam. Comme tout comme le hadith, il dit « وَلِهَذَا نَظَائِرْ مِنْهَا مَنْ صَلَّى الْجَنَازَةَ فَلَهُ قِرَاطٍ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى تُوضَعْ فِي الْقَبْرِ فَقِرَاطَانِ قِرَاطَانِ » C'est comme, on prend l'exemple de celui qui prie sur une dépouille, c'est-à-dire la prière mortuaire. S'il prie sur elle, il a combien ? Il a un qirat. Il a une montagne de hasanat. Et dans le hadith, il dit, et si il suit le convoi jusqu'à ce qu'on enterre la dépouille, il a deux qirat. Ça ne veut pas dire que s'il ne prie pas sur la dépouille, il ne fait pas la salat, mais il suit le convoi. Il a les deux qirat. Non. En fait, le hadith, il veut nous dire que celui qui accomplit ces deux œuvres, il aura les deux qirat. Et s'il se contente d'une, il n'en aura qu'une. Comme là pour le Fajr et l'Isha. Celui qui accomplit les deux prières en groupe à la mosquée, c'est comme s'il aura la récompense d'avoir prié toute la nuit. Mais si il accomplit que la prière du Isha ou que la prière du Fajr en groupe, alors il aura la récompense d'avoir prié la moitié de la nuit. وهذا فضل عظيم ينبغي أن يحرص عليه المسلم ويحتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم. Donc ça c'est un très grand bienfait que le fait de pouvoir profiter et bénéficier de la récompense d'Allah Azza wa Jal, surtout une récompense aussi grande que celle-ci, le fait d'avoir prié toute la nuit. Le fait d'avoir prié toute la nuit, c'est une récompense à laquelle le croyant ne doit pas avoir de négligence. Et Mahda, ça fait partie des bienfaits et des mérites de cette prière du Fajr, et qu'Allah nous facilite pour qu'on soit constant dans l'accomplissement de cette prière en groupe, fil masajid. Wa jazakum Allahu khairan wa subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Tu vois, quand tu fais la prière de la fête, il y a des anges qui viennent avec toi. Mais s'il y a des images à la mosquée, ils viennent quand même. S'il y a des images à la mosquée, ils viennent quand même, Naam. Ils descendent quand même, parce que ce sont des anges qui sont spécifiques à cette prière. D'ailleurs, qui sont ces anges-là? Est-ce que ce sont Al-Hafaza? Al-Hafaza, ce sont les anges qui ne laissent jamais la personne. Ce sont ceux qui le protègent. On a des anges qui nous protègent. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il décrète la mort, et à partir de là, ils vont laisser le destin se réaliser. Mais sinon, on a des anges qui sont ordonnés par Allah Azza wa Jal de nous protéger. C'est pour ça que certains, ils ont pu avoir des situations dans leur vie, soit accident de voiture, soit et ils s'en sortent indemnes. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous la protection d'Allah Azzawajal de par ces anges-là qu'on appelle Al-Hafaza. Donc certains ont dit les anges qui descendent et qui se relaient sont les Hafaza. D'autres ils ont dit ce sont les Katibin. Katibin, ce sont des anges qui, alors cela, ils ne se séparent jamais, jamais, jamais du serviteur. Ce sont ceux qui notent. Ils notent toutes ces heures. Donc Al-Hafiz ibn Hajar, lui, il dit que c'est pas correct de dire que ce sont les Hafaza, les Katibi. Pourquoi? Parce que eux, ils ne laissent à aucun moment le serviteur. Ils sont toujours avec lui. Ce sont des anges qui ont été prévus à cet effet. Qui ont été prévus à cet effet, ni ce sont Katibin, voilà Al-Hafaza. Mais ce sont des anges qui ont été prévus à cet effet. Haoula yanzilun. Hatta wa in wujida fil masjid ma mukhalafa. Même si dans la mosquée, il peut y avoir des mukhalafa. Ces anges descendent. Allahu ta'ala a'lam. Moi, ça, je voulais savoir. C'est les trois prières. Je voulais apprécier une explication possible. Qu'est-ce qui fait, même, ils sont mieux que tout. Bon, pour faire déjà une petite idée. Bon, jusqu'à Aïcha, puis Larsen. Qu'est-ce qui fait, ils sont supérieurs aux autres. Voilà. En fait, c'est les hadiths qui montrent que elles sont plus méritoires. Par exemple, la prière de Asr, c'est la prière de yani Salat al-Wusta, où il y a mazkoura fi surat al-Baqara. Wa kadhalik an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qad dhakara min fada'ilha fi ghayri ma hadith. Le prophète, alayhi salatu wasalam, il a évoqué la prière du Asr. Dans bon nombre de hadiths, il a évoqué les bienfaits et les mérites. Et il a mis en garde sur le fait de délaisser cette prière, en disant que celui qui n'a pas prié la Asr à son heure, c'est comme s'il avait perdu toute sa famille et tous ses biens. Et le fait qu'elle soit qualifiée comme étant la Salat al-Wusta, c'est une prière, c'est la prière qui a été évoquée dans le Coran, dans la Sourate al-Baqara. Ça montre encore aussi le mérite. Et quand on dit le Wusta, c'est-à-dire c'est la plus méritoire des khamsa, des cinq prières. Tamam. Wal Fajr, on a les hadiths qu'on a vus, et on a surtout le hadith où le prophète alayhi salatu wasalam nous évoque que fait partie des signes des hypocrites le fait de ne pas prier la prière du Fajr en groupe à la mosquée. Donc celui qui prie la prière en groupe à la mosquée du Fajr et du Isha, il s'éloigne de toute forme d'hypocrisie. Enfin, par rapport à ces hadiths-là, voilà pourquoi les savants ont dit que les meilleurs des salawats sont Al-Asr, Summa Al-Fajr, Summa Al-Isha. Et pour le Dhuhr et le Maghrib, il n'y a pas autant de hadith méritoire. Tous les fada'il qu'on voit, les récompenses, les fada'il qu'on voit, les femmes, elles ont la même chose que chez elles. Hadar Obama, il va l'évoquer dans vers la fin du livre sur les ahkam salat al-fajr. Wa bila shak anna Allah subhanahu wa ta'ala la yadhlim ahad. Wa min أحكام الشرع أن تكون صلاة المرأة في بيتها أفضل فهذا يقتضي أن لها ما للرجال من الخير إذا أدوها على أتم ما يكون. والله تعالى أعلم. Le fait que le prophète alayhi salatu wasalam a légiféré pour les femmes que la meilleure des prières pour elles se trouve dans leur demeure. La meilleure des prières pour elles se trouve dans leur demeure. Cela doit sous-entendre forcément qu'elles auront les bienfaits d'avoir accompli la prière de la meilleure manière que le prophète alayhi salatu wasalam leur a indiqué, tout comme auront cette récompense les hommes qui auront accompli la prière de la meilleure manière que le prophète alayhi salatu wasalam leur a indiqué. La meilleure prière de l'homme, c'est quand il est fil jama'a. La meilleure prière de la femme, c'est quand elle se trouve dans sa demeure. Donc, Inch'Allah, les mérites que profitent les hommes lorsqu'ils prient dans la mosquée, en groupe, les femmes ont les mêmes récompenses. D'ailleurs, ça me fait rappeler un khilaf, une divergence qu'il y a entre les savants au sujet de la prière de la femme dans sa demeure. Est-ce qu'elle est meilleure que la prière, que sa prière dans la mosquée sacrée d'El Kaaba ou dans la mosquée d'El Medina, la mosquée sacrée d'El Medina ou la mosquée sacrée d'El Aqsa? Et bon nombre de savants, ils sont partis sur l'avis que la prière dans sa maison est meilleure que la prière qu'elle fait dans la Kaaba. C'est-à-dire si elle habite Mecca, le fait qu'elle prie chez elle, c'est meilleur qu'elle prie dans la mosquée sacrée. C'est un avis qui est très pertinent, Yéhouane. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salatu wasalam, il était à Médine. Donc sa mosquée, elle fait partie des trois mosquées sacrées. Et malgré tout, il enseigne aux sahabiyat que la prière dans leur maison est meilleure que la prière dans ma mosquée. Le prophète il dit bien dans le hadith, dans ma mosquée, qui fait partie des trois mosquées sacrées. Donc ça montre d'une manière évidente que la prière de la femme qu'elle accomplit dans sa maison est meilleure que la prière qu'elle accomplit fait le Kaaba. Sans compter maintenant, de notre époque, les grands que maintenant, avec l'exhibition de la femme, ici et là, que ce soit en voiture, que ce soit, il y a énormément de fitna qui découle du fait que la femme rentre dans la mosquée, surtout la mosquée sacrée de Mecca. Comme vous savez, c'est la seule mosquée où les femmes et les hommes peuvent se retrouver à prier ensemble sans qu'il y ait de séparation. Et malheureusement, on constate là-bas énormément de fitan à cause de la présence de bon nombre de femmes. Elles sont peut-être, à certains moments donnés de la journée, plus nombreuses que les hommes. Ouais. Moi, ce que je voulais savoir, parce que ce qu'on dit, on a du mal à comprendre, moi, personnellement. Parce qu'on ne voit pas loin dans cette mosquée. Des fois, bon, il y a madame qui enseigne la mosquée, elle-même prie à la maison. Mais il y a des gens qui courent derrière la clé ici parce que sa femme est là. Il y a des jours, il n'y a même pas de coup. Il est avec sa femme dans la voiture. Ouais. Forcément, il faut que sa femme prie. Même moi, j'ai demandé la clé avec Alou. Comment ça s'appelle? Aroun. Bon, je crois que c'est aussi important que ça. Il court de gauche à droite, on dirait là. Quelque chose d'autre. Parce que sa femme est dehors. Il faut qu'elle vienne prier à la mosquée. Bon, comment on comprend ça? Non, parce qu'il faut placer la chose. On fait ce qu'on veut. Non, tonton, après, il faut savoir. Non, mais il faut savoir que, en général, les frères qui cherchent à faire prier leur épouse dans la mosquée, soit ils habitent loin, ouais, ils ont peur. Oui, soit ils habitent loin, ils ont peur qu'elle loupe la prière. Parce que la femme, elle n'a pas d'autre endroit. Elle ne peut pas prier comme un homme à n'importe quelle aire de repos ou à n'importe quel endroit, en dehors d'une maison ou en dehors d'un endroit protégé. Donc là, la plupart des frères qui font prier leur femme à la mosquée hors heure de prière, c'est uniquement parce que ils n'ont pas d'autre endroit pour elle et qu'ils ont peur justement qu'elle loupe la prière obligatoire, qu'elle sorte de l'heure de la prière. Donc c'est surtout pour ça que. Ouais. Parce que c'est pas bon, on a plus à nos priorités, c'est tout. Eh non, non, non. Parce que bon, il y a deux jours, mais il n'y a pas où ici. Hein? Si tu vois que la prière, si c'est vraiment important que ça, ouais. Si tu vois que la prière va vous trouver en ville, c'est pas la peine de sortir avec madame. C'est clair. Non, non, mais. Non, parce que tonton, si en fait. Tu n'es pas obligé de sortir avec elle. Si tu ne calcules pas, c'est un musulman, sincèrement, ouais. Tu sors à la maison. Mm. Si ce n'est pas une obligation, le temps est calculé pour un musulman. Tu ne sors pas comme un animal à la maison. Non, mais. Sincèrement. C'est vrai, mais. Tu peux dire, je travaille, etc. D'accord. Madame ne travaille pas avec toi. Mm. S'il y a une course qui n'est pas aussi importante que ça. Tu te programmes, je viens de la maison avec madame, ou elle ne vient pas, tu peux faire de la prière, elle fait ça à la maison. Si à un autre moment, c'est petit temps, vous profitez ensemble. Si on veut bien respecter ce qu'on vient de dire. Après, je pense que. Vous dites que bon, ils sont loin, mais on ne te pousse pas, on ne te chasse pas à la maison. C'est sûr, mais pour pratiquer. Si on veut régler ça comme ça, on reste sur ces principes. À moins que ça soit obligatoire. Ben, en fait, c'est un principe qui t'emmènera sans doute vers le divorce si jamais tu te tiens. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça arrive. Ça arrive qu'on ait des macharilles, on ait des occupations comme des courses ou des choses importantes à faire et que, qaddar Allah, l'heure de la salat, elle nous surprend. Elle surprend même. L'époux avant même la femme. Oui, ça arrive, donc il n'y a pas de. C'est important. Oh, oui. Il ne faut pas que ce soit un programme, tu veux une petite balade de plaisir avec ta femme. Après, à savoir que la balade avec la femme, avec l'épouse, il ne faut pas négliger ça, Yahouan. Hein? C'est une ibada azima. C'est une ibad azim. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ça veut dire celui qui sort avec son épouse, il ne veut pas qu'il sous-estime cette affaire-là. C'est une grande affaire. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de cohabiter avec elle avec excellence. Il n'y a plus de questions, il y a des gens qui veulent aller dormir. C'est le elle, sinon moi je n'avais pas lâché. D'accord. Comme ils sont des bases. Non, moi, je ne lâche pas ça. Moi, mais j'aime bien sortir avec ma femme que j'aime. Ouais. Mais j'ai un temps. Mais je faisais la prière avec elle. Dans la mosquée, j'ai fait tout pour joindre une mosquée. Ouais, et depuis, j'ai compris ça. Là. Ça me change la vie complètement. C'est pour me faire voir parce que ma femme est belle ou bien habillée. Il y a tout ça. Donc, je vais calculer ça maintenant. Mm-hmm. Madame reste à la maison. Si je vais quelque chose, moi, je prie, je viens, elle prie à la maison. Parce que je ne savais pas. Le soldat de la dame, il n'y a pas mieux que ça. La baisse. Incalculé. La baisse. Et vrai. Bon, moi, je m'arrête là. Au moins, je m'arrête. C'est conseillé ou comment ça se passe? Pour que la femme, le fait qu'elle fasse la prière au Yom al-Jumu'ah. Pareil, pour la prière du Jumu'ah, la meilleure des prières pour la femme, c'est fi baytiha. C'est dans sa demeure. Maintenant, si elle veut absolument aller à la mosquée, on n'a pas le droit de l'en empêcher et de l'interdire. Et le bon ra'i, le bon maître du foyer, est celui qui sait reconnaître les besoins des personnes sous son autorité. Et des fois, l'épouse, elle a besoin d'entendre un rappel. Des fois, l'épouse, elle a besoin d'entendre un rappel ou des bonnes paroles. Fa min thamma yahussuha ala istima'i al-khutab wa al-muhadarat wa al-'ilm wa ma ila dhalik. Et donc lorsqu'il ressent ce besoin chez son épouse, il doit la motiver à écouter des khutbah, à écouter des conférences, à écouter l'ilm, Donc le mieux, c'est qu'elle prie dans sa maison, mais si elle en ressent le besoin, فلا بأس أن تحضر صلاة الجمعة لا سيما إذا استفادت من الخطبة. C'est bon, Yann, quoi? Dernière question, Réal. Des fois, la femme, elle prie à la maison, mais dans les pays musulmans, eux, ils font un haut-parleur. Elle a le droit de faire la prière en même temps qu'eux, dans la carême, dans chez elle. Taïb, la femme qui prie dans sa demeure et qui entend la prière chez elle, elle, si elle est dans un endroit où elle voit le rang d'en face, c'est-à-dire si elle peut distinguer que ce soit le rang des femmes ou le rang des hommes. Du moment qu'il y a un lien avec le rang juste en face d'elle, ça la baisse. Même si elle se trouve minwara didar, même si elle se trouve derrière un mur ou autre. Mais maintenant, si elle ne voit pas, elle n'a aucun lien avec le dernier rang, fa salatuhu ou salatuha ma'al jama'a batila. C'est une prière qui est nulle, caduque, si elle n'a aucun lien avec le dernier rang de la mosquée. Comme on peut voir à fi Mecca, masakin, ba'd al-awab, ils viennent à Mecca, ils pensent que ils pensent faire le bien, mais en fait ils repartent avec très peu de hasanat. Comme ceux qui viennent, ils s'arrêtent dans la rue et ils font la salat avec l'imam. L'imam, il est à 1 kilomètre, hein. Eux, ils sont juste à côté de leur fondour, ils sont sortis dans la rue, ils ont posé leur tapis et ils n'ont aucun lien avec les soufoufs de la mosquée. Ils peuvent faire des soufoufs entre eux, mais ils n'ont aucun lien avec les soufoufs de la mosquée. Et ils pensent que leur prière est acceptée et qu'elle est en accord avec la prière de la mosquée. Là, hada ghalat wa in dhakara dhalika ba'd al-ulama fa قولهم ليس بدليل. خلاص يا اخوان، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.